Bon, imaginez ce qu'on veut faire ou ce qu'on veut avoir à faire. Est-ce que c'est actionnel ou réactionnel? Tu peux la lire maintenant. Essayez d'imaginer ce qu'on aurait à faire. Ben, c'est un peu comme demander à un artiste, est-ce que l'artiste qui imagine des choses est actionnel ou réactionnel? On pourra remarquer que bien souvent, il rentre en transe. Il ne sait plus ce qu'il fait. Il crée des œuvres. C'est réactionnel, ça va de soi. La semaine prochaine, l'intelligence instantanée, le savoir instantané, l'esprit. Ceux que ça intéresse, vous êtes bienvenus. Les autobus devraient reprendre à un moment donné. C'est écologique que ça se mette à rouler. En attendant, on se prend pas au sérieux. Sentez-vous pas coupable, Steve. Merci, Daniel. Donc, la semaine prochaine...